trop de mecs sur tes côtes à qui la faute. T'es pas doué, tu ne sais pas la boîte. C'est du bien, mais je suis pas comme les autres. Dis-toi avec qui tu prends pas ta vie. Le genre de mec qui va se vanter, mais avec ou sans toi ça va rien changer. Désolé j'ai trop d'amour pour mes retraits. Désolé j'ai trop d'amour pour la montée. A tes parents toi tu veux me présenter. Culotté ça fait qu'un moment qu'on se connaît. Tu veux moi ou tu veux péter ma CP. En vérité t'es chez ta petite absurdité. Maï maï maï maï. J'irai y'a que ça qui fait. Maï maï maï maï. Y'a trop de mecs sur tes côtes à qui la faute. T'es pas prêt, tu me dis c'est pas la boîte. Tu fais bien mais je ne suis pas comme les autres. Tu dis tout avec qui je prends mon âme. Je traîne au quartier, je suis un couche-tard. Allume ma gueule, j'ai rempli des postards. Je suis dans le bâtiment, je nettoie les touches car. Si y'a brouillon, on parlera la China. Elle veut me consnap, mais c'est mort. Tu y as caché avant de la mort. Elle me pique pour des logos. Je lui ai répondu, t'as qu'à mettre à genoux. Elle veut tout, elle prend tout. Tous mes sous, même mon sou. Matrixé par le flou. Elle attend que je m'étouffe. Depuis laisse-moi, là je suis avec mes gars. Quand tu t'agales, là sur le dos, là je suis